J'ai peur de rien, passe à la main. J'ai prêt à souffler la première passante. Surtout ne pas la regarder. Passe à la main, ne pas le regarder. Prêt à souffler la première passante. Il est capable de te tuer. Surtout ne pas le regarder. Cigarette en main, ne pas le regarder. Il est capable de te tuer. Cigarette au bec. Ce fameux caillou était si spécial. Il avait en lui l'âme d'un. Ce fameux caillou était si spécial. Il avait en était lui tellement. Crocodile, il était tellement chaud, c'était un chaud lapin. J'ai besoin d'un Benji pour me donner l'inspiration. J'ai besoin d'un Benji pour me donner l'inspiration. J'ai besoin d'un Benji pour me donner l'inspiration. Thank you.

Paul Mac will like you. If you like Paul like Mac, Paul Mac, Paul Mac will like you. If you like Paul Mac, Paul Mac will like you. Thank you.